Si ça ne va pas fort aujourd'hui, dites-vous bien que vous auriez pu être Arthur Schopenhauer. Le philosophe a été au pessimisme, ce que Karl Marx a été au communisme. Et si la philosophie de Schopenhauer est particulièrement convaincante, c'est qu'il ne s'est pas contenté de penser la face noire de l'existence, il l'a aussi très largement expérimentée. La première partie de sa vie ressemble à une longue désillusion. Sa reconnaissance est plus que tardive. Ses premières parutions sont accueillies dans une remarquable indifférence. Lui qui voulait éclipser Hegel écoule à peine quelques dizaines d'exemplaires de ses ouvrages, dont « De la volonté dans la nature » publié en 1836. 30 ans de solitude avec un chien pour tout ami. À cet insuccès s'ajoute une ruine financière, ses poches sont vides, ses salles aussi. Les étudiants courent écouter Hegel. Du coup, Schopenhauer s'enfonce dans une profonde dépression. Il se console en développant une franche misanthropie, expliquant à ses très rares amis qu'il vise la postérité et non l'attention d'une foule de singes. D'ailleurs, s'il s'est senti parfois malheureux, écrit-il, c'est parce qu'il s'est pris, je le cite, pour un chargé de cours qui n'est pas promu titulaire de chaire et qui n'a pas d'auditeur, alors qu'il est celui qui a, je le cite toujours, apporté une solution au grand problème de l'existence. Pourtant, son insuccès n'est absolument pas mystérieux. Au début du 19e siècle, l'œuvre de Schopenhauer est la plus intempestive qui soit. L'époque est de bruit et de fureur, et lui, il explique posément sur des centaines de pages que l'histoire et ses chaos sont tout juste de l'écume. Tandis que des philosophes à la mode comme Hegel, des imposteurs, pardon, imaginent trouver une raison dans l'histoire, lui, Schopenhauer, sait que l'histoire est une poussière d'événements négligeables si on la compare à la permanence de la condition humaine. Au fond, pour lui, les choses sont simples. La race humaine, écrit-il, est une fois pour toutes et par nature vouée à la souffrance et à la ruine. Dans ces conditions, on comprend que Schopenhauer soit devenu un auteur incontournable pour tout penseur et écrivain du pire. Proust, Kafka, Nietzsche, sa vie s'acheva par une défaite. Défaite de sa pensée puisqu'il connut le succès auprès de cette foule de singes. Lui qui écrivait « Une vie heureuse est une contradiction dans les termes ». Et maintenant, bonne journée puisque vous n'êtes pas Arthur Schopenhauer.